Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et à 23h. Cette semaine, on rediffuse Mon jumeau, le robot, une série documentaire de Maïlys Besri réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a le rêve un peu mégalo de donner vie à une créature. Un soupçon de Frankenstein, des restes du golem et ses vieux automates grinçants censés jouer aux échecs. Il y a la fascination pour la machine, les mécanismes d'horlogerie et désormais la miniaturisation et l'électronique. Il y a aussi ces films peuplés de silhouettes métalliques ou de plastique, gracieuses ou maladroites, étincelantes ou de fer blanc, amicales ou hostiles. Alors pour commencer, les personnages. Un robot qui arrose les fleurs, une voiture autonome, des ingénieurs en robotique, des chercheurs, des étudiants en plein projet, des pilotes et leurs télécommandes et un dessinateur. Ensuite le décor, le souvenir d'Asimov, les rêves démesurés de la science-fiction, un peu de déception, des radars et des capteurs, des terrains d'essai, un bar automatique, des drones de surveillance et des mains robotisées qui ne tremblent pas. Aujourd'hui, deuxième épisode, on sort le grand écran. C'est le robot qui entretient et qui utilise le petit arrosoir pour arroser. Voilà, oui, tout à fait. Là, on le voit en train d'entretenir une des serres dans lesquelles se trouve une des dernières forêts de l'humanité, puisque sur Terre, toutes les plantes ont disparu dans l'histoire du film. Bleu avec des pattes rouges, voilà. Et c'est aussi un robot coloré. On sort de l'argenté Magicien d'Oz. Tout à fait, on est beaucoup plus dans la technologie, beaucoup plus dans l'esthétique de ces années 70, où il y a plus de couleurs. Et Pascal Pinto. Je pense qu'il s'est inspiré aussi des couleurs des machines, des usines, tout simplement, dans lesquelles on différencie les différentes parties des machines pour pouvoir retirer un capot, avoir accès à d'autres... Enfin, les couleurs ont des significations dans les machines industrielles. Travailler comme un robot, Maïlys Besri, Anna Schmuck. C'est quoi le meilleur métier du monde pour toi ? Roboticien ? Ce n'est pas un métier, ça. Je ne dis pas que je veux faire le métier d'humain, moi. J'adore mon métier. Tu sais ce que je fais ? Non. J'accueille les gens qui viennent ici. Bon, moi j'adore mon travail, mais je sais que les humains aiment bien oublier le leur parfois. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces robots par rapport à ce qui avait pu être imaginé dans la science-fiction, notamment au cinéma ? Il y avait déjà des robots qui avaient des formes assez voisines qui existaient il y a longtemps ? Le problème de la science-fiction, entre autres avec Asimov, les premiers écrits d'Asimov remontent à 1938, c'est que la science-fiction a placé une attente démesurée par rapport à ce que la technologie a pu faire. C'est-à-dire, le seul robot qui a eu du succès dans les années 2000, c'était un aspirateur en forme de frisbee, c'était le Roomba. Et quand on questionnait des roboticiens au milieu des années 90, ils voyaient la femme de ménage robot à la maison, Cyber Conchita, il la voyait en 2005. Quoi. On ne l'a pas eu, on est très loin de l'avoir. Quand j'avais posé la question à Bill Gates, c'était assez marrant. Et il disait, oui, de là à ce qu'on ait un robot qui puisse changer les draps, et ça, on a peut-être encore 20 ans ou 30 ans de technologie devant nous. Quoi. Le robot tel que le cinéma nous l'a montré, les Terminators, les réplicants de Blade Runner, on en est peut-être encore à 40-50 ans. Et la technologie court derrière la fiction. C'est assez amusant de nos jours de voir des films de science-fiction qui ont été tournés dans les 70 ou 60. On rigole. Les ordinateurs avec leurs énormes boutons, les ordinateurs sont immenses. Et alors qu'il n'y en a pas un qui avait pensé que ça aurait la taille d'un iPhone ou le look d'un iPhone. C'est plutôt 40-44 ou 45-48 ? C'est des surchaussures. C'est des surchaussures, oui. Je suis en train de mettre des manilles pour le transport des AGE. Vous vissez une sorte de grosse poignée. Oui, c'est vrai, c'est ça. Le principe, c'est pour venir accrocher, du coup, pour le transport, les AGV. Dans les ateliers de l'usine, BA Systèmes, avec Jean-Luc Thomé. On fait bouger des véhicules sur roues, un peu comme la Google Car pour imaginer ça, pour symboliser ça. Mais on déplace des palettes dans les entrepôts, dans les usines. Donc on fait ce qu'on appelle de la manutention ou du stockage automatique avec des véhicules qui sont des robots mobiles, donc qui bougent tout seuls et qui vont chercher des charges quelque part, les déplacer, les stocker quelque part, les récupérer et les envoyer par exemple sur un bord de ligne de production ou pour le chargement d'un camion. C'était historiquement le remplacement de la personne qui conduisait le chariot. Rendre la tâche plus rapide, mais rentabiliser l'investissement de la robotisation par la réduction du coût salarial. C'est-à-dire qu'on vient effectivement à remplacer des tâches qui étaient manuelles à risque ou qui créaient ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques. Et ça permet également d'avoir des systèmes de production qui sont repensés, qui sont fluidifiés en termes de process et qui ont des meilleures performances. Donc globalement, il y a moins de personnes et les personnes qui restent sont formées pour savoir conduire le système et maintenir le système. Est-ce que c'est la technologie des véhicules autonomes qui est utilisée ? Plusieurs choses vont les différencier. D'abord, on circule aujourd'hui principalement ou uniquement à l'intérieur de bâtiments. On a du repérage qui va se faire non pas par GPS, mais qui va se faire en trouvant des repères physiques dans l'usine. La grosse différence aussi avec des systèmes autonomes voitures, c'est que nous sommes sur des systèmes qui doivent fonctionner 24 heures sur 24. Ce qu'on envisage aujourd'hui sur des véhicules autonomes, c'est simplement qu'ils assistent le conducteur quand les conditions de météo, de circulation, d'environnement piéton sont favorables. Il y a des projets plus ambitieux. Il y a des projets plus ambitieux à beaucoup plus long terme. Bah voilà la salle de simulateur donc de conduite. Oui, juste filmé. Il y a comme la moitié d'une voiture avec quatre écrans qui donnent une vue panoramique comme sur un pare-brise. Voilà, c'est ça. On a un champ en horizontal de un petit peu plus de 100 degrés. On a les rétroviseurs aussi qui sont intégrés dans les écrans et un poste de conduite qui est double avec volant, pédalier. Cette table de bord avec l'information de vitesse. Et comme on est intéressé dans l'étude de la conduite autonome, on a aussi des informations sur l'état du véhicule. Est-ce qu'on va être en mode de conduite manuelle, donc la conduite classique comme on la connaît aujourd'hui, ou on va activer la conduite autonome, la conduite déléguée. Alors comment ça marche, vous nous montrez ? Bah voilà, vous pouvez vous installer, vous pouvez vous mettre la ceinture pour être encore un point un petit peu plus proche de la réalité. Je vais prendre mes lunettes, hein, peut-être. Donc, vous allez conduire dans un premier temps en mode manuel, comme on a l'habitude de conduire classiquement, sauf que c'est une boîte automatique, donc vous oubliez les pieds gauches et on n'a pas besoin de toucher les leviers de vitesse non plus. Donc, j'appuie juste sur l'accélérateur et le frein. Juste accélérateur et frein et vous gérez le contrôle de volant. Là, vous avez l'information sur l'état du mode de véhicule. Là, vous voyez cette icône manuelle. À gauche, vous savez tout simplement la vitesse. Et cette icône-là, en manuel, quand la conduite autonome elle va être disponible, cette icône il va changer. Vous allez voir une petite alerte sonore et une icône bleue avec une A, conduite autonome disponible. Et là, je lâche. Dans ce moment-là, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. L'icône, il va changer en vert. Ça va être activé, conduite autonome activée. Et là, vous pouvez vous laisser conduire. La voiture, elle va gérer. OK, d'accord. ça marche. Si vous êtes prête, là, si vous êtes sur une bretelle d'autoroute, donc vous allez vous insérer sur l'autoroute et vous pouvez commencer déjà à conduire. C'est moi qui démarre, en fait ? C'est vous qui démarre. Là, je suis plus ou moins sur l'autoroute, je peux y aller, non ? Là, oui, en plus, la vitesse, elle est à 110 km/h. Et on respecte les normes de circulation, comme normalement, il y a... Ça va pour l'instant, ça vous donne pas mal au cœur ? Ok, parfait. J'essaie de pas faire d'excès de vitesse. Voilà, donc là, la conduite autonome, elle est disponible. Vous pouvez appuyer. L'icône, il a changé, là, vous pouvez lâcher. Bouge tout seul. Oui, il bouge aussi tout seul. En fait, il faut dire quand on est en mode de conduite autonome, la voiture, elle va rouler exactement au milieu de la voie. Donc, elle va se positionner par rapport à votre position initiale. Et typiquement, dans cette étude, l'idée, c'est de voir un petit peu les comportements, l'état du conducteur pendant cette période de conduite autonome. Et nous avons préparé une activité dans la tablette qui est ici installée au simulateur. Et on est intéressé, c'est une activité qui va demander une certaine activité au niveau cognitif. Ça va nous demander... Il y a des voitures qui arrivent en bas, il y a des voitures qui arrivent de l'autre côté. C'est dans l'autre côté, voilà. Et du coup, on est intéressé de voir un petit peu l'effet de réaliser une activité dévié à bord, c'est ça qu'on appelle l'effet de faire quelque chose avec mon téléphone, parler avec la personne à côté. On demande souvent au conducteur, de, une fois que la conduite elle a été activée, comme on n'a pas besoin de gérer ni les volants, ni les pédales, ni de surveiller la route, on peut faire une activité à côté. Il y a une tablette, une activité à faire avec la tablette. Donc là, c'est une espèce de jeu. C'est une espèce de jeu qui va me demander beaucoup d'attention et nous, on est intéressés de voir comment les comportements, il va réagir quand il est, on lui demande de faire une activité à côté. Est-ce qu'on va surveiller la route de temps en temps? On va être plus confiant? Comment ma posture, elle va changer tout au long de la conduite? Comment mon comportement avec toutes les caméras que je vous ai montrées, comment aussi va changer mon comportement et mon niveau d'attention également? Si vous vous mettez sur la voie de droite, il va vous proposer la conduite autonome de nouveau. Voilà, elle est encore disponible. Vous pouvez appuyer et vous pouvez lâcher. Quand le volant bouge de droite à gauche, c'est un peu déstabilisant. Ouais. Il faut un petit temps aussi. En fait, il faut essayer de rester le plus au centre possible de la voie. Mais là, c'est bien activé. Je vais doubler cette voiture. Et là, il y a une demande de reprise en main. Donc là, la voiture, elle a une situation qu'elle ne peut pas gérer. Elle demande au conducteur de récupérer le contrôle du volant, de récupérer de nouveau le contrôle de la voiture parce qu'il y avait cet obstacle dans la rue et le système, il ne pouvait pas gérer tout seul. Important de faire connaissance avec le robot pour s'enlever nos deux peurs principales. La première peur de l'être humain sur les robots, qui est effectivement mise en avant dans beaucoup de fictions, c'est la peur du robot qui va se rebeller contre l'humain et prendre le contrôle de l'être humain. Et ça, a priori, quand on voit les robots et qu'on interagit avec eux, c'est pas demain la veille. Quels que soient les progrès de l'intelligence artificielle, ça reste de l'algorithme, ça reste du 0-1, de la machine, de la programmation. C'est à nous, finalement, de garder le contrôle de nos machines. La deuxième peur, c'est la peur pour l'emploi. Et aujourd'hui, la réponse à la question « est-ce que les robots vont tuer des emplois ?», on n'en sait rien. Personne n'en sait rien. En revanche, ce qu'on sait, c'est que dans certaines PME, beaucoup d'entreprises de robotique, on a du mal à recruter, on a du mal à trouver des salariés et on en a besoin parce que c'est un secteur en croissance, en forte croissance, une croissance à deux chiffres, et qu'il y a des tas de nouveaux métiers qui vont arriver, notamment dans les domaines de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique qui, globalement, résument les trois sciences d'intégration dont a besoin la robotique. Alain l'Institut VDCOM. Là, on rentre dans l'atelier, enfin dans le garage, et je vais voir si le véhicule autonome est arrivé. Je vous présente Jean-Christophe Smal. Et donc, Jean-Christophe va vous présenter ce qu'on appelle, nous, le démonstrateur à conduite déléguée. Bonjour. Il est dehors ou dehors, finalement? Il est là. Il est là-bas, la voiture, elle est là-bas. Ça, pour mon bruit. Une voiture normale. Alors oui, on a voulu justement avoir une voiture qui ressemble plus à une voiture standard pour avoir aussi un comportement des autres utilisateurs et usagers de la route standard aussi. Parce qu'on avait testé avec des voitures avec des capteurs un peu partout et soit ils prennent peur parce qu'ils pensent que c'est pour leur mettre des PV, des choses comme ça. Soit après, on avait aussi peur, c'est que les gens reconnaissent que c'est une voiture autonome et fassent le test. Tiens, qu'est-ce qui se passe si je me jette devant? Est-ce que ça va freiner? Voilà, donc on voulait d'abord avoir un comportement standard des gens et une circulation, on va dire, normale. Je vais la démarrer alors, je vais déjà lui enlever son cordon ombilical. Et hop, et on va la démarrer. Il y a plein de fils électriques à l'arrière. Hein. Ah oui, en là, fait, voilà. Le coffre, c'est pas vraiment un coffre. Non, c'est plus de coffre, c'est vraiment un véhicule prototype. On a voulu mettre justement pas mal de calculateurs et de capteurs différents. Et c'est vrai que, bah, il nous fallait les mettre quelque part dans la voiture, donc c'est dans le coffre. Donc, cette fois-ci, là, la voiture, donc, elle pourrait rouler en autonome. Je vais me mettre au bon endroit. Donc là, en fait, on arrive dans une zone où on peut rouler en mode autonome. Donc on va avoir un affichage qui nous dit voilà, vous pouvez rentrer dans une zone de délégation si vous le souhaitez. Et après donc on va avoir un bouton sur lequel on va appuyer qui va nous permettre de rouler directement en mode autonome. Donc là cette fois-ci, je ne touche à rien, la voiture conduit toute seule, prend les virages et va adapter sa vitesse suivant la courbure, suivant les situations qu'elle va rencontrer. Donc on va avoir différents systèmes qui vont permettre de nous localiser, de percevoir les obstacles, donc que ce soit les nouvelles technologies de GPS, ou la détection de marquage, ou ce qu'on appelle le SLAM laser. Donc l'idée c'est d'avoir un capteur sur le toit de la voiture qui récupère des informations de cartographie ou de placement de bâtiments et peut se repérer par rapport à ces placements-là. Donc pour la détection d'obstacles, on va avoir un radar à l'avant de la voiture, un laser, des caméras, ce qu'on appelle de stéréovision, qui peuvent voir en 3D, qui permettent de voir les obstacles et de prendre la meilleure décision par rapport à s'il y a une voiture devant, s'il y a un piéton qui arrive sur le côté, et adapter la voiture, la vitesse de la voiture par rapport à ces obstacles. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on imagine de cette technologie? Quels sont les objectifs là, de la recherche? Il y a différentes thématiques et voies de développement à l'heure actuelle. Donc il y a la partie, on va dire, longue distance où on aura des passagers dans la voiture, en disant voilà, sur votre itinéraire, pour aller du point A au point B, certains tronçons ont un niveau de sécurité ou un niveau d'infrastructure suffisante pour que le véhicule puisse rouler en autonome, par exemple sur autoroute, sur des voies rapides, des choses comme ça, où le conducteur pourra appuyer sur le bouton et la voiture roulera toute seule. Ou après, derrière, des situations où la voiture va par exemple se déplacer toute seule, sans personne à bord, par exemple sur tout ce qui est les taxis, les véhicules d'autopartage, ou par exemple on va commander un véhicule pour venir nous chercher, ou la voiture pourra venir d'un point A à un point B toute seule, par exemple sur les centres commerciaux, sur des petites villes, ou sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre, sur les transports en commun. Dans un premier temps, ce qu'on sait faire, c'est des véhicules qui prennent la main. Alors, l'idée, on va dire, il y a 5 niveaux d'autonomie de la voiture. Donc en partant de 0, c'est la 4L, où il n'y a pas d'électronique, rien dedans. Là, à l'heure actuelle, sur le marché, on voit des véhicules de niveau 2 à 2+. Donc on va avoir des systèmes pour rouler sur autoroute qui vont maintenir le véhicule dans la voie, qui vont freiner sur les obstacles pour le cruise control. Les constructeurs sont en train de déployer, de tester en prototype chez eux les versions de niveau 3. On va par exemple pouvoir rouler sur autoroute, sur des trajets, des configurations standards, je dirais, de manière autonome. Est-ce que les capteurs, finalement, sont plus fiables qu'un conducteur ? Alors, la voiture était non-voyante, elle est devenue malvoyante, pour moi. Donc, elle voit des choses, mais de nature différente de l'homme. L'humain, elle reste quand même, je dirais, un ordinateur avec des capteurs extraordinaires, qui est capable de s'adapter à plein de situations et de percevoir beaucoup de choses avec beaucoup de finesse. Les capteurs ont, à l'heure actuelle, pas la même finesse de perception, mais sont très rigoureux dans la précision de voir les choses. Par exemple, un capteur va voir un obstacle à 100 mètres, il le verra à 99,81 cm. Et vraiment une précision impeccable. Il le verra tout le temps en cette position-là. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des choses par rapport à ça. Après, les conditions climatiques, les choses vont faire qu'à un moment donné, la voiture ne pourra pas conduire tout le temps. Par exemple, s'il y a de la neige, des choses comme ça, ça va peut-être brouiller les capteurs, voilà. Donc peut-être que l'humain pourra reprendre la main dans un premier temps. Mais l'idée à terme, c'est d'avoir une voiture qui puisse vraiment tout faire, d'avoir des capteurs qui soient performants et, on va dire, peu chers, robustes dans le temps, qui puissent justement s'adapter à toutes les situations et que la voiture puisse aussi elle-même reconnaître les situations pour pouvoir prendre la meilleure décision. Ces voitures-là, c'est des robots ? Je dirais pour l'instant, oui, c'est des robots. À terme, ça sera un peu plus parce qu'elles seront vraiment... L'idée, c'est d'avoir une autonomie de la décision. Sur le campus de Jussieu, l'université Pierre-et-Marie Curie. Et sur ce campus, on est dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, qui, comme son nom l'indique, donc, mène des recherches sur les robots, sur, au-delà des robots, des systèmes intelligents, c'est-à-dire qui peuvent comporter plusieurs robots ou qui ne sont pas forcément incarnés dans une machine robotique tangible. Et qui comporte à peu près 150 personnes, dont une cinquantaine de chercheurs, enseignants chercheurs, et une centaine de doctorants et de post-doctorants. Et ben on va aller ici. Là, on est dans les sous-sols. On est exactement dans les sous-sols. Du laboratoire. Donc, à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, avec Guillaume Morel. Dans la plupart des laboratoires, les sous-sols sont utilisés pour mettre les réalisations expérimentales, les labos. Hein, donc là, on rentre dans une salle qui est une plateforme d'analyse de mouvement, même si elle est un peu en bazar, où on voit des équipements robotiques dans tous les sens, des bras, des qui roulent, un exosquelette, un ensemble de caméras qui suivent les mouvements, des plateformes de force. Et tous ces équipements nous servent à concevoir des robots pour l'assistance aux personnes qui présentent des déficiences motrices. C'est ce qu'on appelle la robotique d'assistance aux gestes, qui est une forme de robotique collaborative. Donc un sujet et un robot ensemble réalisent des gestes. Et effectivement... Le chirurgien et sa machine. Voilà, effectivement, il y a soit un geste expert, celui d'un chirurgien, d'un médecin, d'un praticien, soit un geste au contraire déficient, celui d'une personne handicapée, d'une personne qui est en rééducation, d'une personne âgée, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent ? Ils peuvent, par exemple, si on prend l'application de chirurgie, ils peuvent filtrer les tremblements. Et le rôle du robot est simplement de stabiliser le geste. Donc avec un système comme ça, qu'on appelle la co-manipulation, on peut parvenir à réduire fortement les tremblements, ce qui est utile dans des chirurgies de précision, comme l'œil ou l'oreille. Alors ici, sur cette plateforme, on est dans la partie donc assistance aux gestes déficients. Et par exemple, devant vous, il y a un exosquelette. Donc c'est un exosquelette de bras droit, de membre supérieur. Concrètement, c'est un petit robot qui a des particularités. Il est assez léger, il est assez réversible. Et on peut l'accrocher au bras d'un patient qui est en rééducation après un AVC. Et les robots peuvent aider à faire des exercices physiques de façon... bien précise, contrôlée. Le sujet a un mouvement intentionnel et le robot est interactif. Il comprend ce mouvement intentionnel, il l'accompagne, éventuellement il le corrige. C'est une commande partagée. C'est exactement comme s'il s'ajustait à lui. Au début, le robot a beaucoup la main parce que le sujet a peu de capacité motrice et peu de capacité de contrôle. Et plus il va récupérer, plus le robot va comprendre que la quantité d'assistance qu'il doit produire doit diminuer. Donc il va réautonomiser le patient. C'est l'objectif. L'objectif à la fin, c'est effectivement d'enlever le robot et que les scores fonctionnels, c'est-à-dire la capacité à utiliser son bras dans des activités de tous les jours, soient améliorés. Donc ça remplace le bras, donc on voit le coude, le poignet et la main. Et nous on travaille sur la commande, donc comment faire que cet outil-là bouge comme le bras humain, pour que les personnes puissent être autonomes et par exemple manger ou s'habiller de façon indépendante et plus facile. Le robot doit finalement comprendre par les gestes disponibles sur la personne quelle est l'intention de mouvement et lui-même commander ses moteurs en fonction de cette intention pour la compléter correctement. Bah en fait, pour les prothèses de bras, en fait, on a besoin de faire comprendre à la prothèse ce qu'on veut faire avec. Donc, c'est pour ça qu'elle est active, elle est motorisée. Et la personne, en fait, ce qu'elle va transmettre à la prothèse, c'est « ouvre-toi » ou « ferme-toi ». Par les capteurs, donc les fameux capteurs, voilà. Ouais. Donc là, c'est la personne qui est un peu robotisée, c'est-à-dire qu'on lui met des capteurs là où ses sens ne fonctionnent plus. Ce sont des capteurs externes, il n'y a rien qui reste après dans la peau. Le soir, par exemple, la personne enlève la prothèse et il ne reste plus rien. Et par exemple, on place l'électrode sur un muscle et quand on le contracte, ça ferme la main. Et quand on contracte l'autre muscle, ça ouvre la main. C'est pas normalement on place sur le moignon, mais je vous le fais sur la main. Donc on contracte un muscle, ça ferme, et on contracte l'autre, ça ouvre. Elle est agile cette main prothèse, hein ? Elle bouge relativement vite. Voilà, il y a tous les doigts qui sont motorisés. Donc après, on peut reproduire les postures de la main humaine, mais c'est une programmation. On n'est pas capable de contrôler comme nous, vraiment intuitivement, la main. Dans les ateliers de l'usine, BA System, avec Jean-Luc Thomé. Et alors, dans le domaine médical, qu'est-ce que vous avez développé comme activité ? On a été contacté il y a 7-8 ans par General Electric, qui avait besoin de développer un robot mobile pour bloc opératoire, et on a fait ce développement avec eux. On a développé cette machine qui est un robot qui permet de déplacer un système d'imagerie médicale rayon X en bloc opératoire. Il existait avant. C'est comme si on pouvait prendre des radios ou faire des scanners dans le bloc, c'est ça ? C'est une petite machine. Exactement. Et donc on a développé cette machine pour eux. Donc l'idée, c'était de faire un petit chariot. En fait, moi, je fournis à General Electric ce que l'on appelle dans notre jargon la base mobile, donc la partie mobile robotisée, sur laquelle ils viennent fixer la partie d'imagerie médicale et ils vendent un bloc complet, une salle hybride, parce que chirurgie et imagerie, au niveau mondial, aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de salles qui sont équipées au niveau mondial. Oui. Donc c'est l'exemple de deux technologies qui ont été additionnées pour faire une nouvelle machine médicale. Exactement. Ce que l'on ne voit pas ici parce qu'on n'a pas de bloc opératoire, c'est un chariot qui va se déplacer automatiquement dans un bloc. Autour de la table. Et dans toutes les positions, mais il est beaucoup plus souple et adaptable que... Et surtout répétitif. C'est-à-dire qu'on est vraiment en précision très forte en termes de positionnement, ce qui est indispensable pour de la qualité d'image et pour aider le chirurgien à intervenir. Bon, Je m'appelle Catherine Simon et je suis présidente d'InnoRobot, un événement et une société qui s'intéresse à animer l'écosystème robotique mondial pour faire valoir ces innovations qui peuvent changer la société. Qu'est-ce qu'on peut dire des innovations justement en matière de robotique et comment est-ce qu'on situerait la France par rapport au reste du monde ? Alors la France, on est très en retard. En robotique industrielle, on a finalement très peu d'acteurs en robotique industrielle et on a refusé la première vague de robotisation de notre industrie. Aujourd'hui, en revanche, on est pionnier et très fort en recherche, avec notamment tout ce qui est recherche sur l'intelligence artificielle, sur l'interface homme-machine, sur les robots d'extérieur, donc des robots agricoles, des robots qui vont faire de l'exploration dans des lieux où nous, on ne peut pas aller en tant qu'être humain. On a un écosystème de start-up fabuleux, extrêmement dynamique. Et puis, on commence à avoir des très belles PME qui ont le potentiel de devenir des fleurons français à l'international dans des domaines comme la robotique logistique, la robotique médicale. Christian Dujardin, à l'école d'intelligence informatique. Ce sont des projets, c'est-à-dire ce sont des projets de troisième année qui sont montrés aux premières années, qui posent des questions et les étudiants expliquent et font rêver un peu les étudiants de première année. Ils disent voilà, dans trois ans, tu sauras faire ça. Voilà. Donc c'est ça que je peux vous montrer. On trouvait juste qu'il n'y avait pas beaucoup de filles en école d'ingénieur. D'accord. Bah ouais, dans ma classe, on est deux. Comment ça se passe ? Pourquoi vous avez choisi cette filière ? C'est ma tante, en fait, qui m'a parlé d'ingénieur. Elle est elle-même ingénieure en informatique, et donc c'est plutôt elle qui m'a amenée dans ce domaine. Qu'est-ce que vous avez choisi comme projet de fin d'études ? Vous faites quoi ? Notre projet de fin d'études, en fait, c'est un petit robot qui va ramasser, grâce à un électro-aimant, des objets aimantés, en fait. Il va se déplacer et pouvoir, avec ses bras et son aimant, ramasser, par exemple, des petites vis ou des petites pièces, etc. Une vingtaine de centimètres, 20 sur 30 je pense. Il ressemble à quoi ? Il ressemble à Wally, c'est un personnage Pixar. Disney Pixar. On s'en est inspiré parce que c'est une sorte de symbole je pense de l'écologie. Du coup pour nous on voulait permettre à la fois de ramasser entre guillemets nos déchets, qui va être par exemple des petits objets aimantables. Si par exemple on a perdu sa bague ou des petites vis en faisant des travaux, bah pouvoir la récupérer facilement sans prendre toute la poussière à côté. Il n'y a pas beaucoup de filles sur ce campus. On a beau regarder autour de nous, sur les photos, il y en a peut-être deux ou trois par classe. Oui, c'est vrai. Alors déjà, dans les écoles d'ingénieurs, il n'y a pas beaucoup de filles. Mais alors dans les écoles d'ingénieurs en informatique, il y en a encore moins. Alors on travaille avec des sociologues là-dessus. On s'aperçoit que pour faire venir des jeunes filles autour d'un projet, il faut avoir des activités qui donnent du sens. Par exemple, il y a plein de métiers en fait où il n'y a pas du tout de filles. Par exemple, dans la finance, vous connaissez vous des golden girls ? Non, il n'y a que des golden boys qui roulent en poche, qui gagnent beaucoup d'argent, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Et une fille, en fait, va être intéressée à ça. Elle va s'intéresser au médical, elle va s'intéresser au droit, elle va s'intéresser en fait à des tas de choses qui donnent du sens à la vie. Et l'informatique, pour l'instant, ne projette pas encore cette image. Mais on va lui donner de plus en plus de sens. Et peut-être que la robotique va être une des choses qui va faire venir plus les filles dans des écoles comme les nôtres. Quels sont les types de métiers auxquels forment ces études, Christian Dujardin ? Les métiers d'ingénieur consistent à travailler en articulation avec les autres métiers, c'est-à-dire de travailler avec des médecins, par exemple, de travailler avec des industriels qui fabriquent des voitures pour voir en quoi les robots peuvent s'adapter pour être flexibles, en fait, dans les usines. Donc, il faut concevoir physiquement ces robots, il faut concevoir les programmes qui permettent de les faire et puis aussi réfléchir à comment l'homme va travailler avec ses robots, qui est une tâche aussi essentielle. Et alors, quels sont les autres métiers qui sont associés ? Vous avez dit, d'un côté, les ingénieurs. Alors, il y a les autres métiers, c'est ceux qui construisent physiquement les labos, les ingénieurs d'études qui les conçoivent, et puis les ingénieurs d'études qui vont mettre les systèmes d'exploitation dedans, insérer des programmes dedans et les faire fonctionner de façon autonome ou pas. Autrefois, la robotique était un petit peu un rêve de faire des hommes artificiels, alors que maintenant on est beaucoup plus raisonnable et on fait des robots qui sont beaucoup plus simples et qui ont des fonctions beaucoup plus pratiques et de plus en plus se connecter à d'autres systèmes de fonctionnement. Donc la différence, c'est que maintenant les robots ne sont pas que des robots dont on ne sait pas tellement à quoi ils servent, comme des robots humanoïdes qui pourraient ressembler à des jouets, mais des robots qui de plus en plus sont dotés de tâches essentielles dans l'entreprise. On commence même à imaginer, par exemple, dans des établissements bancaires, des robots qui viendraient accueillir le grand public dans les agences pour commencer à faire un premier niveau de dialogue et d'études. Un petit peu comme on trouvait dans les années 80-90, des bornes interactives, en fait, dans les banques. On commence à imaginer maintenant des robots qui vont être un peu plus gais que des bornes interactives parce qu'ils sont dotés de fonctions d'écoute ou même de fonctions humaines. Quelques-uns même commencent à exprimer, en fait, des espèces de sentiments avec des mouvements d'yeux ou de sourcils. Et c'est ça un petit peu la différence par rapport à ça. Là, on présente notre projet de fin d'études qu'on fait du coup en dernière année à EPITA. Et nous, on a choisi de faire un bar automatisé qui, en fait, on choisit notre cocktail. Et le bar nous sert le cocktail en fonction des bouteilles qu'il y a de disponibles. Donc, on choisit le cocktail sur une appli. Et l'appli communique en Bluetooth avec une carte qu'on utilise, une Raspberry Pi, qui donc est utilisée avec le bar. Et du coup, ça nous sert le cocktail. Il faut d'abord au préalable configurer les bouteilles qu'il y a déjà d'installer. Et du coup, il nous propose les cocktails de dispo en fonction des bouteilles qu'on a déjà rentrées, en fait. Comment ça vous est venu, cette idée de faire un bar automatique ? En fait, le projet est libre, donc c'est à nous de choisir. Et on voulait faire un truc fun, donc c'est-à-dire qu'on voulait prendre du plaisir à faire notre projet. Donc, on a fait un truc qu'on savait qu'on y prendrait plaisir à le faire. Et en même temps, ça compte aussi pour notre note finale. Donc, on voulait à la fois avoir une bonne note. Donc, on a fait un truc qui nous plaisait et qui était fun à faire, quoi. Comment ça s'enseigne, l'intelligence artificielle ou les cours de robotique, justement, pour vos ingénieurs ? On commence très très simplement au début. On commence avec des robots Lego. Et puis, pour les faire comprendre à peu près la géométrie un peu dans l'espace que ça représente. Ensuite, on commence à leur faire intégrer des composants, des capteurs, les assembler, mettre des roues, et on fait des petits robots, en fait, de démonstration. On leur fait faire aussi des compétitions, comme des compétitions à E=MC2, qui leur permettent, en fait, de concourir entre eux pour faire semblant de jouer au football sur des petites tables, etc. On fait essentiellement ça sous la logique du jeu et de la compétition de prototypes. Et puis après, viennent des cours, en fait, plus importants, des cours d'asservissement, des cours de géométrie dans l'espace, et puis des cours de programmation, et dans une phase ultime, des cours d'intelligence artificielle pour les doter de fonctions autonomes. Christian Dujardin, est-ce que vous avez vu une évolution depuis ces dernières années en termes de population, de demande ? On voit la robotique se développe de plus en plus, c'est comme un secteur qui embauche. Ah oui, les emplois dans le numérique embauchent énormément. Il n'y a même pas assez d'ingénieurs en informatique dans toute l'Europe, pour plusieurs raisons, parce qu'on n'en forme pas assez, et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas assez de jeunes qui sont intéressés à ça, et troisièmement, parce que beaucoup de pays nous les volent, entre guillemets, c'est-à-dire que nous, on va perdre 20% en fait de notre promotion, qui va aller travailler à l'étranger dès la sortie d'école, alors qu'ils pourraient rester en France pour travailler, par exemple. Donc en fait, on est en pénurie d'ingénieurs informaticiens et de roboticiens encore plus, sans doute. Technologique. Au showroom du Robot Lab. Ici, vous fabriquez des robots ? Ici, on fabrique des robots. On est deux entités ici. On est FlyLab, donc notre start-up, et CRIF, qui est un centre de développement de robots. Et donc, effectivement, on fait toutes les étapes de la conception sur papier du robot, le cahier des charges, ce qu'on appelle le cahier des charges, ou dans d'autres méthodologies, des cycles agiles. Et donc, on fait cette première étape ou ces premières étapes. Ensuite, on fait du prototypage. Donc, on donne une première vie à ces objets, pas forcément à l'échelle finale. Donc, on peut faire des tout petits protos pour tester. Et ensuite, on va jusqu'à la pré-industrialisation, donc une des étapes les plus compliquées d'un produit matériel. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour qu'on puisse créer ces produits en chaîne et en quantité. Donc pour envoyer ça en Asie ou en Europe. À vous faire voler un drone ? Ouais, voilà. Hein ? Ouais. Après, le principe de robots d'exploration ou de sécurité et de surveillance, c'est des roues plus ou moins adaptées à des terrains plus ou moins accidentés. Et puis, c'est un principe de captation de données, donc de capteurs un petit peu de partout. C'est des drones roulants, quoi. Voilà, c'est des drones roulants. Alors, c'est ce qu'on appelle la robotique d'extérieur. C'est un domaine d'excellence de la France, voilà, la robotique d'extérieur. On est très fort en drones, très fort en robots de sécurité de surveillance ou robots d'extérieur. Et on est aussi assez fort en robots maritimes. Et il faut penser à ce projet qui a été fait entre Stanford et le... comment ça s'appelle, le DRASM, je crois, pour des données culturelles. Et ça allait explorer les grands fonds sous-marins avec un robot humanoïde. Il s'appelle Ocean One et c'est un robot humanoïde. Donc ça a fait beaucoup, beaucoup de progresser la recherche en robotique humanoïde, y compris terrestre. Et c'est un robot humanoïde qui peut aller sous l'eau et donc qui peut du coup manipuler des pièces, des vestiges qu'on trouve dans des vieilles épaves de bateaux à des profondeurs où l'homme ne peut pas aller. Donc là, j'allume juste un drone, un multirotor, donc un quadrirotor. Alors oui, il est équipé d'une caméra sur une nacelle gyrostabilisée. Donc c'est un mot bien compliqué pour dire que la caméra reste toujours droite, même quand le drone a des mouvements en train de voler. Donc la caméra reste toujours stable. C'est un drone qui est utilisé plutôt par le grand public pour de la prise de vue. Bon, par contre, je vais vous demander de reculer un tout petit peu. Sur le professionnel, chez Parrot, on cible 5 industries clés pour les produits Parrot, qui sont l'agriculture, l'architecture, l'ingénierie et la construction, la sécurité publique, l'énergie et l'éducation et la recherche. Cédric Delmas. Donc les drones, ils sont capables de faire quoi en matière d'agriculture ? C'est de la prise de photos ? Alors, dans le segment de l'agriculture, oui, on a des drones qui sont... On a surtout un capteur de haute précision qui s'appelle Sequoia, qui est capable de prendre des images qu'on appelle des images NDVI, qui sont capables de référencer sur le terrain et de donner des informations à l'agriculture sur le niveau de fertilisation à utiliser sur le sol ou même le niveau d'irrigation du terrain. Donc ça, ce sont des informations qui sont extrêmement importantes pour l'agriculture, qui va lui permettre justement d'être plus efficace dans les rendements et dans le travail sur le rendement de son champ. On pourrait imaginer aussi des drones qui travaillent pour l'architecture, qui sont capables, grâce à leur caméra, comme nous avons ici sur le drone qui est ici, leur caméra frontale, de prendre des images, de prendre un certain nombre d'images autour du monument, de l'immeuble sur lequel on veut travailler. Et ensuite, avec un logiciel Parrot qui s'appelle Pix4D, on est capable de reconstruire tout en 3D ce monument, ce bâtiment, avec une précision du niveau du centimètre. Les drones, ils sont très présents en matière de sécurité pour éviter la prise de risque de pompiers qui iraient repérer la source du feu. Exactement. En fait, le drone permet d'éviter d'envoyer un homme dans des zones dangereuses et donc de rendre des missions qui étaient difficiles, complexes, qui demandaient des niveaux de sécurité importants pour des hommes, d'y envoyer un drone qui, lui, ne risque pas grand-chose et donc de rendre ces missions beaucoup plus faciles. Ils sont toujours commandés, Cédric Delmas, télécommandés ou commandés à distance, ou est-ce qu'ils ont une sorte d'autonomie de mouvement, ces drones ? Alors, les drones peuvent être soit commandés, soit complètement autonomes. On a des logiciels de navigation chez Parrot. Le premier s'appelle Flightplan, le deuxième s'appelle Pix4D Capture. Et ce sont des logiciels qui permettent de rendre complètement le drone autonome sur son plan de vol en spécifiant la distance, l'endroit où on veut aller, le monument, par exemple, sur lequel il faut qu'on tourne autour, ou le champ qu'on doit surveiller. Tout ça peut être fait de manière complètement autonome. C'est des robots auxquels on a donné une certaine autonomie en sanctionnant les erreurs de manière informatique, en leur faisant apprendre où est-ce qu'ils sont intégralement programmés. On va pouvoir tout programmer, en fait, puisque de manière très simple, avec le GPS notamment, on va pouvoir gérer, dire au drone, je voudrais que tu voles à l'altitude de 20 mètres. Je voudrais que tu ailles à telle distance en pointant sur une carte de manière très simple et lui dire, et une fois que tu as fait ça, je voudrais que tu regardes dans cette direction, simplement en faisant glisser son doigt et en visant la direction. Et ensuite, là, je veux que tu prennes une photo et je veux que tu reviennes. Point. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez nous décrire ce que vous êtes en train de faire, Cédric Delmas ? Donc j'ai tout simplement allumé le drone et je suis en train d'y connecter le Sky Controller 2, qui est notre nouveau contrôleur de vol. C'est comme une grosse télécommande. C'est une grosse manette, c'est une télécommande avec une énorme antenne Wi-Fi qui permet de contrôler le drone à distance. Donc dès que la lentille est verte ici, je suis connecté au drone. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à appuyer sur ce bouton qui est le bouton de décollage pour faire décoller le drone de manière automatique. C'est comme un joystick, c'est comme un jeu vidéo. Finalement, c'est aussi simple que ça. C'est qu'on a voulu rendre cette manette le plus simple possible. D'ailleurs, je vais pouvoir retirer ça. C'est un téléphone portable, ça ? Exactement. Ça, c'est pour avoir des informations supplémentaires et pour avoir notamment la vidéo en streaming du vol. Pendant que le drone va voler, il va filmer en permanence ou non, c'est l'utilisateur qui va décider. En tout cas, on va pouvoir toujours voir ce que voit le drone directement sur son smartphone. Est-ce qu'il y a des limites quand on vend des drones ? Est-ce qu'il y a des limites en termes de législation ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire voler des drones n'importe où ? Comment ça marche, Cédric Delmas ? Oui, il y a des limites. Il y a une législation sur les drones en France. Il y a un certain nombre de règles à respecter, notamment le fait de ne pas voler au-dessus de groupes de personnes. Une limite en altitude qui est fixée à 150 mètres. On n'a pas le droit de voler au-dessus de l'espace public. On n'a pas le droit de survoler une route, par exemple. Alors, on a plusieurs catégories d'utilisateurs dans le grand public. En fait, on s'aperçoit qu'on a vraiment, je dirais, trois grands usages clés. On a d'abord un usage de divertissement. On a une deuxième catégorie d'utilisateurs qui sont des gens qui veulent plutôt travailler sur le souvenir. Et ces utilisateurs-là utilisent plutôt de la vidéo. C'est plutôt des vidéastes, c'est plutôt des photographes. Ou c'est aussi des sportifs qui veulent enregistrer les meilleurs moments de leurs actions ou de leurs performances. La dernière typologie de personnes qui utilisent un drone, c'est des gens qui veulent vivre des expériences. Ce sont des pilotes qui veulent avoir le sentiment de voler, d'être libre, ou ce sont des explorateurs qui ont envie d'aller découvrir de nouveaux espaces et de nouveaux horizons, notamment grâce à la vue à la première personne, ce qu'on appelle le FPV, le First Person View, avec un masque d'immersion qu'on a chez Parrot qui s'appelle le Cockpit Glasses. Il suffit juste d'y mettre son smartphone dedans. Et vous avez une vue vraiment comme si vous étiez un oiseau, puisque vous voyez à travers la caméra du drone. Please make your way out of the museum. We thank you and we wish you a pleasant evening. Benoît Peters, écrivain, scénariste, a conçu l'exposition Machine à dessiner avec Françoise Coïten. Il y a une autre notion derrière le robot, une notion qui nous intéresse, même si elle n'est traitée qu'en demi-teinte dans l'exposition, c'est le robot capable de dessiner. C'est la machine, c'est l'automate capable de dessiner. C'est le casque de réalité virtuelle qui nous donne un rapport au monde tout à fait autre et nous fait en quelque sorte devenir machine ou entrer dans une machine. C'est le bras du dessinateur qui se transforme en bras articulé, en prothèse. Bien évidemment, tout cela, ce sont des thèmes que nous aimons aussi utiliser parce que derrière les dessins et les albums, il y a une vraie main, il y a un vrai artiste et il y a des outils qui restent souvent des outils très traditionnels. Créer un monde fantastique, créer un monde fantasmé, ça peut se faire aussi sur une table à dessin traditionnelle avec des crayons, des plumes, des feuilles de papier et pas forcément en passant par une médiation technologique lourde. François Skuiten, dessinateur et scénographe. Moi, personnellement, je trouve que les robots, ce sont des outils formidables qui nous accompagnent, qui nous aident, qui nous permettent d'avoir des avantages incontournables. Mais personnellement, c'est quand même tout seul, moi, face à la table et à ma solitude et à mes propres limites qui m'intéressent le plus. Il y a eu des expériences de bras à dessiner, de robots qui dessinaient, reproduisaient ? Oui, absolument. Et d'ailleurs, on voulait mettre ces fameux robots dessinants dans l'exposition. C'était assez compliqué, et pour les apporter, pour les faire fonctionner. Mais j'aurais rêvé, évidemment, qu'on ait des portraits en direct par un robot, donc qui photographie le visiteur et qui en fait une synthèse graphique, évidemment, une forme de photo-dessin, hein, il faut. Mais qui, quand même, déjà montre les potentialités que ça offre dans le futur. Il est certain qu'on va voir des choses assez étonnantes arriver. Ce qui est magnifique, c'est de voir justement ces nouveaux espaces qui s'ouvrent entre la machine et l'homme, et ces nouveaux outils. Mais ça reste que des outils. Est-ce que c'est votre seule expérience technologique avec le dessin, ou est-ce que vous utilisez des outils, François Skuiten, dans votre travail de création ? J'étais toujours suivi le mouvement des images virtuelles et des technologies, mais en même temps, dans mon travail, vous voyez, je suis toujours sur du papier avec de l'encre, et une plume, les choses les plus rudimentaires qui soient. Et c'est un petit peu, je suis toujours partagé entre ces deux mondes, c'est-à-dire la solitude du dessin dans ce qu'il a de plus traditionnel, et en même temps l'intérêt pour des technologies qui peuvent nous apporter des dimensions et qui sont en écho avec l'évolution du monde. Quand j'utilise cette fameuse le casque virtuel et que je me mets à sculpter, à dessiner dans l'espace, c'est un peu une machine à dessiner quelque part, mais là on est vraiment dedans. On a une expérience très très prenante, puisque le dessin est autour de nous, même on peut entrer dans le dessin, ou on peut tourner autour du dessin, on sculpte le dessin. Et cette expérience-là, c'est celle qui termine un petit peu l'exposition qu'on voit à la fin. Par exemple, François Skuiten dessine avec un casque de réalité virtuelle et donc, d'une certaine façon, sculpte dans l'espace plutôt qu'il ne dessine, avec une technologie qui est bien loin de celle de ses crayons. Ça peut l'amener, quand il revient à ses outils les plus traditionnels, à trouver un nouveau plaisir, à peut-être essayer de nouveaux dispositifs, de la même façon que quand il travaille avec des informaticiens pour un projet de film, il a une envie encore plus grande de revenir à l'artisanat minutieux, patient et peu coûteux qu'il utilise depuis toujours pour la bande dessinée. Donc nous ne cherchons pas à évoluer de manière linéaire dans un sens, nous ne cherchons pas à prendre le train du progrès, mais à utiliser quelques-uns de ces éléments en les combinant avec des techniques que nous aimons toujours. Et nous voyons ici, dans cette exposition Machine à dessiner, des enfants qui sont des enfants de l'âge des écrans et des tablettes tactiles, prendre une feuille de papier, prendre le crayon et se mettre à dessiner. Et en le faisant, ils sont pleinement contemporains. Je crois que c'est au moment où tout passerait, écriture, dessin, calcul, communication, par le rapport à l'écran, c'est à ce moment-là qu'on ne serait pas moderne, qu'on serait, somme toute, conservateur et fixiste dans un seul rapport à la technologie. Nous avons, par exemple, la capacité de manger une nourriture toute préparée, sophistiquée, et en même temps, nous pouvons tous retrouver la joie tactile de préparer un gâteau avec les outils d'hier. Et je pense que, quels que soient les domaines, il restera des parts pour la résurrection de gestes et de techniques d'hier. Et il restera une mesure qui est, somme toute, la mesure du corps, la mesure, par exemple, de la main, de ce que la main est capable de faire avec un outil simple et qui n'est pas simplement de tapoter sur un clavier. Things here have changed. Welcome to your name. House. Home. Swipe your card. Travailler comme un robot. Avec. When you enter your PIN number. Pascal Pinto. Daniel Ishbia. Jean-Luc Thomé. Mercedes Bueno Garcia. Jean-Christophe Smaïl. Catherine Simon. Guillaume Morel. Christian Dujardin. Les étudiants de l'école EPIDA. Cédric Delmas. Benoît Peters. François Skuiten. Et Pépère. colorblind visitors, please refer two parameters to enter your 7-digit password that must contain at least one numeric character and your mother's maiden name. À la prise de son, Yann Frécy. Mixage, Claire Levasseur. Coordination, Perrine Kervran. Attaché d'émission, Marivona Bolivier. Recherche musicale, Romain Couturier. La série documentaire, Mélise Bessery, Anna Smuk. The robot is missing. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter avec Goldorak, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, les robots soldats. Et n'oubliez pas les autres rendez-vous impeccables documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, La fabrique de l'histoire, Création en air, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.